Chapitre 3. La maison torrentale. À Trieste, la société est presque nulle. Entre races différentes comme entre castes diverses, on se voit peu. Les fonctionnaires autrichiens ont la prétention d'occuper le premier rang, à quelques degrés de la hiérarchie administrative qu'ils appartiennent. Ce sont en général des hommes distingués, instruits, bienveillants. Mais leur traitement est maigre, inférieur à leur situation, et ils ne peuvent lutter avec les négociants ou gens de finances. Ceux-ci, puisque les réceptions sont rares dans les familles riches et que les réunions officielles font presque toujours défaut, sont donc obligés de se rejeter sur le luxe extérieur, dans les rues de la ville par la somptuosité de leurs équipages, au théâtre par l'opulence des toilettes et la profusion des diamants que leurs femmes exhibent dans les loges du Teatro Comunale ou de l'Harmonia. Entre toutes ces opulentes familles, on citait à cette époque celle du banquier Silas Torrental. Le chef de cette maison, dont le crédit s'étendait bien au-delà du royaume austro-hongrois, était alors âgé de 37 ans. Il occupait avec Madame Torrental, plus jeune que lui de quelques années, un hôtel de l'avenue d'Acquedotto. Silas Torrental passait pour être très riche, et il devait l'être. De hardies et heureuses spéculations de bourse, un large courant d'affaires avec la société du Lloyd autrichien et autres maisons considérables, d'importants emprunts dont les missions lui avaient été confiées, ne pouvait avoir amené que beaucoup d'argent dans ses caisses. De là un grand train de maison qui le mettait très en évidence. Cependant, ainsi que l'avait dit Sarcani à Zirone, il était possible que les affaires de Silas Torrental fussent alors quelque peu embarrassées, du moins momentanément. Qu'il eût reçu, 7 ans avant, le contre-coup du trouble apporté dans la banque et à la bourse par la guerre franco-italienne, puis, plus récemment, par cette campagne que termina le désastre de Sadova, que la baisse des fonds publics, à cette époque, sur les principales places de l'Europe, et plus particulièrement celle du royaume austro-hongrois, Vienne, Pest, Trieste, l'eussent sérieusement éprouvé, cela devait être. Alors sans doute l'obligation de rembourser les sommes déposées chez lui en compte courant lui eût créé de graves embarras. Mais il s'était certainement relevé après cette crise, et si ce qu'avait dit Sarcani était vrai, il fallait que de nouvelles spéculations, trop hasardeuses, eussent récemment compromis la solidité de sa maison. Et en effet, depuis quelques mois, Silas Torrental, moralement du moins, avait beaucoup changé. Si maître qu'il fût de lui-même, sa physionomie s'était modifiée à son insu. Il n'était plus comme autrefois maître de lui. Des observateurs eussent remarqué qu'il n'osait regarder les gens en face, ainsi qu'il avait l'habitude de le faire, mais plutôt d'un œil oblique et à demi fermé. Ces symptômes n'avaient pu échapper même à Madame Torrental, femme maladive, sans grande énergie, absolument soumise d'ailleurs aux volontés de son mari, et qui ne connaissait que très superficiellement ses affaires. Or, si quelques coups funestes menaçaient sa maison de banque, il faut bien l'avouer, Silas Torrental ne devait pas s'attendre à bénéficier de la sympathie publique. Qu'il eût de nombreux clients dans la ville, dans le pays, soit. Mais en réalité, il y comptait peu d'amis. Le haut sentiment qu'il avait de sa position, sa vanité native, l'air de supériorité qu'il prenait avec tous et affectait en toutes choses, cela n'était pas fait pour attirer à lui en dehors des relations d'affaires. D'ailleurs, les Triestins le tenaient pour un étranger, puisqu'il était originaire de Raguse, c'est-à-dire dalmate de naissance. Aucun lien de famille ne le rattachait donc à cette ville, dans laquelle il était venu, il y a quelque 15 ans, jeter les fondements de sa fortune. Telle était alors la situation de la maison Torrental. Cependant, bien que Sarcani eût certains soupçons à cet égard, rien encore ne permettait de confirmer le bruit que les affaires du riche banquier fussent sérieusement embarrassées. Son crédit n'avait reçu aucune atteinte, ouvertement du moins. Aussi le comte Mathias Sandorf, après avoir réalisé ses fonds, n'avait-il pas hésité à lui confier une somme très considérable. somme qui devait toujours être tenue à sa disposition, à la condition d'en donner avis 24 heures d'avance. Peut-être s'étonnera-t-on que des rapports quelconques eussent pu s'établir entre cette maison de banque, notée parmi les plus honorables, et un personnage tel que Sarkany. Il en était ainsi pourtant, et ces rapports remontaient à 2 ou 3 ans déjà. À cette époque, Silas Torontal avait eu à traiter des affaires assez importantes avec la régence de Tripoli. Sarkany, sorte de courtier à toute main, très entendu dans les questions de chiffres, parvint à s'entremettre dans ses opérations, lesquelles, il faut bien le dire, ne laissaient pas d'être d'une nature assez suspecte. Il y avait eu là des questions inavouables de pots de vin, de commissions douteuses, de prélèvements peu honnêtes, dans lesquels le banquier de Trieste n'avait pas voulu paraître en personne. Ce fut en ces circonstances que Sarkany devint l'agent de ces combinaisons véreuses et rendit encore quelques autres services de ce genre à Silas Torontal. De là une occasion toute naturelle de mettre un pied dans la maison de banque. C'est plutôt la main qu'il convient de dire. Et en effet, Sarkany, après avoir quitté la Tripolitaine, ne cessa de pratiquer une sorte de chantage vis-à-vis du banquier de Trieste. Non pas que Silas Torontal fût absolument à sa merci. De ses opérations compromettantes, il n'y avait aucune preuve matérielle. Mais la situation d'un banquier est délicate. Rien qu'un mot peut lui faire bien du mal. Or, Sarkany en savait assez pour qu'il fallût compter avec lui. Silas Torontal compta donc. Il lui en coûta même des sommes assez importantes qui furent lestement dissipées, plus particulièrement dans les tripots, avec ce sans-gêne d'un aventurier qui ne se préoccupe pas de l'avenir. Sarkany, après l'avoir relancé jusqu'à Trieste, ne tarda pas à devenir si importun, si exigeant, que le banquier finit par se lasser et lui ferma tout crédit. Sarkany menaça, Silas Torontal tint bon. Et il eut raison en cela, puisque le maître chanteur dut enfin s'avouer que, faute de preuves directes, il était désarmé, ou à peu près. Voilà pourquoi, depuis quelque temps, Sarkany et son honnête compagnon Zéron se trouvaient à bout de ressources, n'ayant pas même de quoi quitter la ville pour aller chercher fortune ailleurs. Mais on sait aussi que, dans le but de s'en débarrasser définitivement, Silas Torontal venait de leur faire parvenir un dernier secours. Cette somme devait leur permettre d'abandonner Trieste pour retourner en Sicile, où Zéron était affilié à une association redoutable qui exploitait les provinces de l'Est et du Centre. Le banquier pouvait donc espérer qu'il ne reverrait jamais son courtier de la Tripolitaine, qu'il n'entendrait même plus parler de lui. En cela, il se trompait, comme en bien d'autres choses. C'était dans la soirée du 18 mai que les 200 florins envoyés par Silas Torontal avec le petit mot qui accompagnait cet argent, avait été adressé à l'hôtel où demeuraient les deux aventuriers. 6 jours après, le 24 du même mois, Sarkany se présentait à la maison de banque. Il demandait à parler à Silas Torontal, et telle fut son insistance que celui-ci dut consentir à le recevoir. Le banquier était dans son bureau, dont Sarkany referma soigneusement la porte dès qu'il y eut été introduit. « Vous encore ?» s'écria tout d'abord Silas Torontal. « Que venez-vous faire ici ? Je vous ai envoyé, pour la dernière fois, une somme qui doit vous suffire à quitter Trieste. Vous n'aurez plus jamais rien de moi, quoi que vous puissiez dire, quoi que vous puissiez faire. Pourquoi n'êtes-vous pas parti ? Je vous préviens que je prendrai des mesures pour empêcher vos obsessions à l'avenir. Que me voulez-vous ? » Sarkany avait très froidement reçu cette bordée à laquelle il était préparé. Son attitude n'était même plus celle qu'il prenait d'ordinaire, insolente et provocante, pendant ses dernières visites à la maison du banquier. Non seulement il était parfaitement maître de lui-même, mais aussi très sérieux. Il venait d'approcher une chaise sans qu'il eût été invité à s'asseoir. Puis il attendit que la mauvaise humeur du banquier se fût dépensée en bruyantes récriminations pour lui répondre. « Eh bien, parlerez-vous ? » reprit Silas Torontal, qui, après quelques allées et venues dans son cabinet, venait de s'asseoir à son tour, mais sans parvenir à se maîtriser. « J'attends que vous soyez plus calme, » répondit tranquillement Sarkany, « et j'attendrai tout le temps qu'il faudra. Que je sois calme ou non, peu importe, pour la dernière fois, que me voulez-vous ? » « Silas Torontal, » répondit Sarkany, « Il s'agit d'une affaire que j'ai à vous proposer. » Je ne veux pas parler d'affaires avec vous, ni ne veux en traiter aucune, s'écria le banquier. Il n'y a plus rien de commun entre vous et moi, et j'entends que vous quittiez Trieste aujourd'hui même, à l'instant, pour n'y jamais revenir. Je compte quitter Trieste, répondit Sarcani, mais je ne veux pas partir avant de m'être acquitté envers votre maison. Vous acquitter, vous, en me remboursant? En vous remboursant intérêt, capital, sans compter une part dans les bénéfices de... Silas Torontal haussa les épaules à cette proposition si inattendue, venant de Sarcani. Les sommes que je vous ai avancées, reprit-il, sont passées par profits et pertes. Je vous tiens quitte, je ne vous réclame rien, et suis au-dessus de pareille misère. Et s'il me plaît de ne pas rester votre débiteur? Et s'il me plaît de rester votre créancier? Cela dit, Silas Torontal et Sarcani se regardèrent en face. Puis Sarcani, haussant les épaules à son tour. Des phrases, tout cela, rien que des phrases, reprit-il. Je vous le répète, je viens vous proposer une affaire très sérieuse. Aussi véreuse que sérieuse, sans doute. Eh, ce ne serait pas la première fois que vous auriez eu recours à moi pour traiter. Des mots, tout cela, rien que des mots, répondit le banquier en envoyant une riposte à l'insolente observation de Sarcani. Écoutez-moi, dit Sarcani, je serai bref. Et vous ferez bien. Si ce que j'ai à vous proposer ne vous convient pas, nous n'en parlerons plus et je m'en irai. D'ici ou de Trieste? D'ici et de Trieste. Dès demain? Dès ce soir. Bon, alors parlez donc. Voici ce dont il s'agit, dit Sarcani. Mais, ajouta-t-il en se retournant, vous êtes sûr que personne ne peut nous entendre? Vous tenez donc bien à ce que notre entretien soit secret, répondit ironiquement le banquier. Oui, Silas Torontal, car vous et moi nous allons tenir dans nos mains la vie de haut personnage. Vous peut-être, moi non. Jugez-en, je suis sur la piste d'une conspiration. Quel est son but, je ne le sais encore. Mais depuis la partie qui s'est jouée au milieu des plaines de la Lombardie, depuis l'affaire de Sadova, tout ce qui n'est pas autrichien peut avoir beau jeu contre l'Autriche. Or, j'ai quelques raisons de penser qu'un mouvement se prépare, sans doute en faveur de la Hongrie, et dont nous pourrions profiter. Silas Torontal, pour toute réponse, se contenta de répondre d'un ton railleur. Je n'ai rien à tirer d'une conspiration. Si, peut-être. Et comment? En la dénonçant. Voyons, expliquez-vous. Écoutez donc, reprit Sarcani. Et il fit au banquier le récit de ce qui s'était passé au vieux cimetière de Trieste. Comment il avait pu s'emparer d'un pigeon voyageur, la manière dont un billet chiffré, il en avait gardé le fac-similé, était tombé entre ses mains, de quelle façon il avait reconnu la maison du destinataire de ce billet. Il ajouta que depuis 5 jours, Ziron et lui s'étaient mis à épier tout ce qui se passait, sinon à l'intérieur, du moins à l'extérieur de cette maison. Quelques personnes s'y réunissaient le soir, toujours les mêmes, et n'y entraient pas sans grande précaution. D'autres pigeons en étaient partis, d'autres y étaient arrivés, les uns allant vers le nord, les autres en venant. La porte de cette demeure était gardée par un vieux domestique qui ne l'ouvrait pas volontiers et en surveillait soigneusement l'approche. Sarcani et son compagnon avaient même dû agir avec une certaine circonspection pour ne pas éveiller l'attention de cet homme. Et encore craignait-il d'avoir provoqué ses soupçons depuis quelques jours. Silas Torontal commençait à écouter plus attentivement le récit que lui faisait Sarcani. Il se demandait ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans tout cela, son ancien courtier étant sujet à caution, et, en fin de compte, de quelle façon celui-ci entendait qu'il pût s'intéresser à cette affaire pour en retirer un gain quelconque. Lorsque le récit eut été achevé, lorsque Sarcani eut une dernière fois affirmé qu'il s'agissait là d'une conspiration contre l'État dont il serait avantageux d'utiliser les secrets, le banquier se contenta de poser les questions suivantes. Où est cette maison? Au numéro 89 de l'avenue d'Aquedotto. Et à qui appartient-elle? À un seigneur hongrois. Comment se nomme ce seigneur? Le comte Zadislas Zatmar. Et quelles sont les personnes qui le visitent? Deux principalement, toutes deux d'origine hongroise. L'une est un professeur de cette ville qui s'appelle Étienne Bathory. Et l'autre, le comte Mathias Sandorff. À ce nom, Silas de Rontal fit un léger mouvement de surprise qui n'échappa point à Sarcani. Quant à ces trois noms qu'il venait de prononcer, il lui avait été facile de les connaître en suivant Étienne Bathory lorsqu'il revenait à sa maison de la Corsa Stadion et le comte Sandorff lorsqu'il rentrait à l'hôtel de l'Homme. Vous le voyez, Silas de Rontal, reprit Sarcani, voilà des noms que je n'ai pas hésité à vous livrer. Vous reconnaîtrez donc que je ne cherche pas à jouer au plus fin avec vous. Tout cela est bien vague, répondit le banquier, qui voulait évidemment en savoir davantage avant de s'engager. Vague ? Dit Sarcani. Et sans doute, vous n'avez pas même un commencement de preuves matérielles. Et ceci ? La copie du billet était alors entre les mains de Silas de Rontal. Le banquier l'examinait, non sans curiosité. Mais ces mots cryptographiés ne pouvaient lui présenter aucun sens, et rien ne prouvait qu'ils eussent cette importance que Sarcani prétendait leur attribuer. Si cette affaire était de nature à l'intéresser, cela tenait surtout à ce qu'elle se rapportait au comte Sandorff, son client, dont la situation vis-à-vis de lui ne laissait pas de l'inquiéter, au cas où il exigerait un remboursement immédiat des fonds déposés dans sa maison. « Eh bien, dit-il enfin, mon opinion est que c'est toujours de plus en plus vague. »« Rien ne me paraît plus net, au contraire, » répondit Sarcani, que l'attitude du banquier ne démontait nullement. « Avez-vous pu déchiffrer ce billet ?»« Non, Silas de Rontal, mais je saurai le déchiffrer quand le temps en sera venu. »« Et comment ?»« J'ai été mêlé déjà à des affaires de ce genre, comme à bien d'autres, » répondit Sarcani. « Et je ne suis pas sans avoir eu entre les mains bon nombre de dépêches chiffrées. Or, de l'examen approfondi de celles-ci, il résulte pour moi que sa clé ne repose ni sur un nombre, ni sur un alphabet conventionnel, qui attribuerait à chacune des lettres une autre signification que sa signification réelle. Oui, dans ce billet, un S est un S, et un P est un P. Mais ces lettres ont été disposées dans un ordre qui ne peut être reconstitué qu'au moyen d'une grille. On sait que Sarcani ne se trompait pas. C'était le système qui avait été employé pour cette correspondance. On sait aussi qu'elle n'en était que plus indéchiffrable. « Soit, dit le banquier, je ne le nie pas, vous pouvez avoir raison. Mais sans la grille, il est impossible de lire le billet. »« Évidemment. Et comment vous procurerez-vous cette grille ?»« Je ne le sais pas encore, répondit Sarcani. Mais soyez-en sûr, je me la procurerai. »« Vraiment ?» « Eh bien, à votre place, Sarcani, je ne me donnerai pas tant de peine. »« Je me donnerai la peine qu'il faudra. »« À quoi bon ? Je me contenterai d'aller dire à la police de Trieste ce que je soupçonne en lui portant ce billet. »« Je le dirai, Silas de Rontal, mais non sur de simples présomptions, » répondit froidement Sarcani. « Ce que je veux, avant de parler, ce sont des preuves matérielles et par conséquent indiscutables. J'entends devenir maître de cette conspiration, oui, maître absolu, pour en tirer tous les avantages que je vous offre de partager. Et qui sait même s'il ne sera pas plus profitable de se ranger du côté des conspirateurs au lieu de prendre parti contre eux. » Un tel langage ne pouvait étonner Silas de Rontal. Il savait de quoi Sarcani, intelligent et pervers, était capable. Mais si cet homme n'hésitait pas à parler de la sorte devant le banquier de Trieste, c'est qu'il savait, à son tour, qu'on pouvait tout proposer à Silas de Rontal, dont l'élastique conscience s'accommodait de n'importe quelles affaires. D'ailleurs, on ne saurait trop le répéter, Sarcani le connaissait de longue date, et il avait, en outre, des raisons de croire que la situation de la maison de banque était embarrassée depuis quelque temps. Or, le secret de cette conspiration, surpris, livré, utilisé, ne pouvait-il lui permettre de relever ses affaires ? C'est là-dessus que tablait Sarcani. De son côté, Silas de Rontal, en ce moment, cherchait à jouer serré avec son ancien courtier de la Tripolitaine. Qu'il y eût en germe quelques conspirations contre le gouvernement autrichien, dont Sarcani avait découvert les auteurs, il n'était pas éloigné de l'admettre. Cette maison de Ladislas Zatmar, dans laquelle se tenait de secrets conciliabules, cette correspondance chiffrée, la somme énorme déposée chez lui par le comte Sandorff et qui devait toujours être tenue à sa disposition, tout cela commençait à lui paraître fort suspect. Très probablement, Sarkany avait vu juste en ces circonstances. Mais le banquier, désireux d'en apprendre davantage, de connaître le fond de son jeu, ne voulait pas encore se rendre. Aussi se contenta-t-il de répondre d'un air indifférent. « Et puis lorsque vous serez parvenu à déchiffrer ce billet, si vous y parvenez, vous verrez qu'il ne s'agit que d'affaires purement privées, sans aucune importance, et par conséquent dont il n'y aura aucun profit à tirer pour vous, ni pour moi. »« Non, s'écria Sarkany, avec l'accent de la plus profonde conviction. Non, je suis sur les traces d'une conspiration des plus graves, conduite par des hommes de haut rang, et j'ajoute, Silas Rontal, que vous n'en doutez pas plus que moi. » « Mais enfin, que me voulez-vous ? » demanda le banquier, cette fois très nettement. Sarkany se leva et répondit d'une voix un peu plus basse, mais en regardant le banquier dans les yeux. « Ce que je veux, » et il insista sur ce mot, « le voici. Je veux avoir accès le plus tôt possible dans la maison du comte Zatmar, sous un prétexte à trouver, puis gagner sa confiance. Une fois dans la place où personne ne me connaît, je saurai bien m'emparer de la grille, et déchiffrer cette dépêche dont je ferai usage pour le mieux de nos intérêts. « De nos intérêts ? » répéta Silas Rontal. « Pourquoi tenez-vous à me mêler à cette affaire ? Parce qu'elle en vaut la peine et que vous en retirerez un grand bénéfice. Hé, que ne la faites-vous seule ? Non, j'ai besoin de votre concours. Expliquez-vous donc, enfin. Pour arriver à mon but, il me faut du temps, et pour attendre, il me faut de l'argent. Or, je n'en ai plus. Votre crédit chez moi est épuisé, vous le savez. Soit, vous m'en ouvrirez un autre. Et qui gagnerai-je ? Ceci. Des trois hommes que je vous ai nommés, deux sont sans fortune, le comte Zatmar et le professeur Bathory. Mais le troisième est riche, extrêmement. Les biens qu'il possède en Transylvanie sont considérables. Or, vous n'ignorez pas que s'il est arrêté comme conspirateur et condamné, ces biens confisqués iront pour la plus grande part à ceux qui auront découvert et dénoncé la conspiration. Vous et moi, Silas Rontal, nous partagerons. » Sarkany se tut. Le banquier ne répondait pas. Il réfléchissait à ce qu'on lui demandait comme entrée de jeu. D'ailleurs, ce n'était point un homme à se compromettre personnellement dans une affaire de cette nature. Mais il sentait que son agent, lui, serait homme à le faire pour tous les deux. S'il se décidait à prendre sa part de cette machination, il saurait bien le lier par un traité qui le mettrait à sa merci, tout en lui permettant de rester dans l'ombre. Il hésita, pourtant. Bon, à tout prendre, que risquait-il ? Il ne paraîtrait pas dans cette odieuse affaire, et il en recueillerait les bénéfices, bénéfices énormes qui pouvaient rétablir la situation de la maison de banque. « Eh bien ? » demanda Sarkany. « Eh bien non, » répondit Silas Rontal, effrayé surtout d'avoir un tel associé, ou, car le mot est plus juste, un tel complice. « Vous refusez ?»« Oui, je refuse. Au surplus, je ne crois pas au succès de vos combinaisons. »« Prenez garde, Silas Rontal, » s'écria Sarkany d'un ton menaçant, sans se contraindre cette fois. « Prendre garde ? Et à quoi, s'il vous plaît ? À ce que je sais de certaines affaires. » « Sortez, Sarkany, » répondit Silas Rontal. Je saurai bien vous forcer. Sortez !» En ce moment, un léger coup fut frappé à la porte du bureau. Pendant que Sarkany se rangeait vivement du côté de la fenêtre, la porte s'était ouverte et un huissier disait à haute voix. « Monsieur le comte Sandorff prie Monsieur Rontal de vouloir bien le recevoir. » Puis il se retirait. « Le comte Sandorff ?» s'écria Sarkany. Le banquier, d'une part, ne put être que fort contrarié de voir Sarkany instruit de cette visite. De l'autre, il pressentit que de grands embarras allaient résulter pour lui de l'arrivée si inattendue du comte. « Et que vient faire ici le comte Sandorff ? » demanda Sarkany d'un ton assez ironique. « Vous avez donc des relations avec les conspirateurs de la maison Zatmar ? En vérité, je me suis peut-être adressé à l'un des leurs. « Sortirez-vous enfin ?» « Je ne sortirai pas, Silas Rontal, et je saurai pourquoi le comte Sandorff se présente à votre maison de banque. Ces mots prononcés, Sarkany se jeta dans un cabinet, attenant au bureau, dont la portière retomba après lui. Silas Torontal fut sur le point d'appeler afin de le faire expulser, mais il se ravisa. « Non, murmura-t-il, mieux vaut, après tout, que Sarkany entende ce qui va se dire ici. » Le banquier sonna l'huissier et donna l'ordre d'introduire immédiatement le comte Sandorff. Mathias Sandorff entra dans le cabinet, répondit froidement, ainsi que cela était dans son caractère, aux empressements de Silas Torontal. Puis il s'assit dans un fauteuil que l'huissier venait de lui avancer. « Monsieur le comte, dit le banquier, je ne m'attendais pas à votre visite, ne vous sachant pas à Trieste, mais la maison Torontal est toujours honorée de vous recevoir. » « Monsieur, répondit Mathias Sandorff, je ne suis que l'un de vos moindres clients, et je ne fais point d'affaires, vous le savez. Cependant, j'ai toujours à vous remercier d'avoir bien voulu prendre en dépôt les quelques fonds que j'avais de disponibles en ce moment. » « Monsieur le comte, reprit Silas Torontal, je vous rappelle que ces fonds sont en compte courant chez moi, et je vous prie de ne point oublier qu'ils vous rapportent intérêt. » « Je le sais, monsieur, répondit le comte Sandorff, mais je vous le répète, ce n'est point un placement que j'ai voulu faire dans votre maison, ce n'est qu'un simple dépôt. » « Soit, monsieur le comte, répondit Silas Torontal, cependant l'argent est cher en ce moment, et il ne serait que juste que le vôtre ne restât pas improductif. Une crise financière menace de s'étendre sur le pays tout entier. La situation est très difficile à l'intérieur. Les affaires sont paralysées. Quelques faillites de maisons importantes ont ébranlé le crédit public, et d'autres sont encore à craindre. « Mais votre maison est solide, monsieur, dit Mathias Sandorff, et je sais de bonne source qu'elle n'a été que très peu éprouvée par le contre-coup de ces faillites. » « Oh, très peu, répondit Silas Torontal avec le plus grand calme. Le commerce de l'Adriatique nous assure, d'ailleurs, un courant d'affaires maritimes qui manque aux maisons de Pest ou de Vienne, et nous n'avons été que très légèrement touchés par la crise. Nous ne sommes donc pas à plaindre, monsieur le comte, et nous ne nous plaignons pas. » « Je ne peux que vous en féliciter, monsieur, répondit Mathias Sandorff. Toutefois, je vous demanderai si, à propos de cette crise, on n'a pas parlé de quelques complications à l'intérieur. » Bien que le comte Sandorff eût fait cette question sans paraître y attacher la moindre importance, Silas Torontal l'observa avec un peu plus d'attention. Cela pouvait en effet se rapporter à ce que venait de lui apprendre Sarkany. « Je ne sais rien à cet égard, répondit le banquier, et je n'ai point entendu dire que le gouvernement autrichien eût quelque appréhension à ce sujet. « Est-ce que vous, monsieur le comte, vous auriez raison de penser que quelque événement prochain ?»« Aucunement, répondit Mathias Sandorff. Mais dans la haute banque, on est quelquefois informé de choses que le public ne connaît que plus tard. Voilà pourquoi je vous avais posé cette question, tout en laissant à votre convenance d'y répondre ou non. » « Je n'ai rien entendu dire dans ce sens, répliqua Silas Torontal. Et d'ailleurs, avec un client tel que vous, monsieur le comte, je ne me croirais pas le droit de me renfermer dans une discrétion dont ses intérêts pourraient avoir à souffrir. » « Je vous en remercie, monsieur, répondit le comte Sandorff, et je pense comme vous qu'il n'y a rien à craindre à l'intérieur ni à l'extérieur. Aussi vais-je bientôt quitter Trieste pour retourner en Transylvanie où m'appellent des affaires urgentes. » « Ah, vous partez, monsieur le comte ? » demanda vivement Silas Torontal. « Oui. Dans une quinzaine de jours au plus tard. Et vous reviendrez sans doute à Trieste ? Je ne le crois pas, monsieur, répondit le comte Sandorff. Mais avant de partir, je voudrais mettre en règle toute la comptabilité du château d'Artenac, qui est en souffrance. J'ai reçu de mon intendant quantité de notes, fermages, revenus de forêt, que je n'ai guère le temps de vérifier. Ne connaîtriez-vous pas un comptable, ou ne pourriez-vous pas disposer d'un de vos employés qui me rendrait ce service ? « Rien ne sera plus facile, monsieur le comte. Je vous en serai fort obligé. Et quand auriez-vous besoin de ce comptable ? Le plus tôt possible. Où devrait-il se présenter ? Chez mon ami, le comte Zatmar, dont la maison est au numéro 89 de l'avenue de l'Aquedotto. » « C'est entendu. Ce travail, ce sera l'affaire d'une dizaine de jours. Et mes comptes, une fois réglés, je partirai pour le château d'Artenac. Je vous prierai donc de me tenir disponible les fonds que j'ai chez vous. » Silas Thorontal, à cette demande, ne put retenir un mouvement que ne vit point le comte Sandorff. « À quelle date voulez-vous que ces fonds vous soient remis, monsieur le comte ? » demanda-t-il. « Le 8 du mois prochain. » « Ils seront à votre disposition. » Cela dit, le comte Sandorff se leva et le banquier le reconduisit jusqu'à la porte de l'antichambre. Lorsque Silas Thorontal rentra dans le cabinet, il y trouva Sarkany qui se borna à dire « Avant 2 jours, il faut que je sois introduit dans la maison du comte Zatmar en qualité de comptable. »« Il le faut, en effet, » répondit Silas Thorontal. Chapitre 4. Le billet chiffré. Deux jours après, Sarkany était installé dans la maison de Ladislas Zatmar. Il avait été présenté par Silas Thorontal et sur sa présentation, accepté par le comte Sandorff. Ainsi donc, complicité bien établie du banquier et de son agent dans les machinations ourdies par eux. But, la découverte d'un secret qui pouvait coûter la vie au chef de la conspiration. Résultat, comme prix de leur délation, une fortune tombant pour une part dans la poche d'un aventurier prêt à tout pour la remplir, et pour l'autre dans la caisse d'un banquier arrivé au point de ne pouvoir faire honneur à ses engagements. Il va sans dire qu'un traité, intervenu entre Silas Thorontal et Sarkany, faisait 2 portions égales des bénéfices prévus. En outre, Sarkany devait avoir à sa disposition tout l'argent nécessaire pour vivre convenablement à Trieste avec son compagnon Zirone et pour subvenir aux dépenses que nécessiteraient ses pas et démarches. En échange et comme garantie, il avait dû remettre au banquier le fac-similé du billet qui contenait, il n'en doutait pas, le secret de la conspiration. Peut-être serait-on tenté d'accuser d'imprudence Mathias Sandorff. En de telles circonstances, introduire un étranger dans cette maison où s'agitaient des intérêts si graves, à la veille d'un complot dont le signal allait être envoyé d'un instant à l'autre, cela pourra paraître acte de rare imprudence, mais ce n'était pas sans nécessité que le comte avait agi de la sorte. Et d'abord, il avait un intérêt pressant à ce que ses affaires personnelles fussent mises en ordre au moment où il allait se lancer dans cette périlleuse aventure dans laquelle il risquait sa vie, ou tout au moins l'exil, s'il était obligé de fuir en cas d'insuccès. D'autre part, l'introduction d'un étranger dans la maison du comte Zatmar lui paraissait être de nature à détourner les soupçons. Il avait cru voir depuis quelques jours, et l'on sait qu'il ne se trompait pas, certains espions rôdés dans l'avenue de l'Aquedotto, espions qui n'étaient autres que Sarkany et Zirone. La police de Trieste avait-elle donc l'œil ouvert sur ses amis et lui, sur leurs agissements? Le comte Sandorff pouvait le croire, il devait le craindre. Si le lieu de réunion des conspirateurs, jusqu'alors obstinément fermé à tous, semblait être suspect, quel meilleur moyen de dérouter les soupçons que de l'ouvrir, d'y admettre un commis qui ne s'y occuperait que de comptabilité? Quant à la présence de ce commis, pourrait-elle être un danger pour Ladislas Zatmar et ses hôtes? Non, en aucun cas. Il n'y avait plus échange de correspondances chiffrées entre Trieste et d'autres villes du royaume hongrois. Tous les papiers relatifs au mouvement projeté étaient détruits. Il ne restait aucune trace écrite de la conspiration. Les mesures étaient prises, non plus à prendre. Le comte Sandorff n'avait qu'un signal à faire lorsque le moment serait venu. Donc, l'introduction d'un employé dans cette maison, au cas où le gouvernement aurait eu l'éveil, était plutôt de nature à écarter tout soupçon. Oui, sans doute, le raisonnement était juste, la précaution était bonne. Si cet employé n'eût pas été Sarkany, si son répondant n'eût pas été Silas Thorontal. D'ailleurs, Sarkany, passé maître en duplicité, devait bénéficier des qualités extérieures qu'il possédait, une figure ouverte, une physionomie franche, l'aspect honnête et simple de toute sa personne. Le comte Sandorff et ses 2 amis ne pouvaient que s'y laisser prendre, et ils y furent pris. Le jeune comptable se montra zélé, obligeant, serviable, et très entendu en matière de chiffres qu'il s'agissait d'apurer. Rien d'ailleurs n'aurait pu lui faire soupçonner, s'il ne l'eût su, qu'il était en présence des chefs d'une conspiration, prête à soulever la race hongroise contre la race allemande. Matthias Sandorff, Étienne Báthory, Ladislas Zatmár, pendant leur réunion, ne semblaient s'occuper que de questions d'art ou de science. Plus de correspondances secrètes, plus d'allées et venues mystérieuses autour de la maison. Mais Sarkany savait à quoi s'en tenir. L'occasion qu'il cherchait ne pouvait manquer de se produire, et il l'attendait. En entrant dans la maison de Ladislas Zatmár, Sarkany n'avait eu qu'un but, s'emparer de la grille qui servait à déchiffrer les cryptogrammes. Or, maintenant qu'il n'arrivait plus aucune dépêche chiffrée à Trieste, il se demanda si, par prudence, cette grille n'aurait pas été détruite. Cela ne laissa pas de l'inquiéter, car tout l'échafaudage de sa machination reposait sur ceci, lire le billet apporté par le pigeon voyageur et dont il avait pris la copie. Donc, tout en travaillant à mettre en état les comptes de Matthias Sandorff, il regardait, il observait, il épiait. L'accès du bureau où se réunissaient Ladislas Zatmár et ses compagnons ne lui était point interdit. Souvent même, il y travaillait seul. Et alors ses yeux et ses doigts s'occupaient à toute autre besogne qu'à faire des calculs ou aligner des chiffres. Il furetait dans les papiers, il ouvrait les tiroirs à l'aide d'un jeu de crochets que Ziron, très habile à ce métier, avait fabriqué lui-même. Toutefois, il prenait bien garde d'être vu de Boric, auquel il ne semblait pas inspirer la moindre sympathie. Pendant les 5 premiers jours, les recherches de Sarkany furent infructueuses. Il arrivait chaque matin avec l'espoir de réussir. Chaque soir, il rentrait à son hôtel sans être arrivé à rien. C'était à faire craindre qu'il n'échouât dans sa criminelle entreprise. En effet, la conspiration, s'il s'agissait d'une conspiration, et il ne lui était pas permis d'en douter, pouvait éclater d'un jour à l'autre, c'est-à-dire avant qu'il ne l'eût découverte, et par conséquent dénoncée. Mais plutôt que de perdre le bénéfice d'une dénonciation, même sans preuve à l'appui, lui disait Ziron, mieux vaudrait prévenir la police et remettre la copie du billet. Oui, répondit Sarkany, et je le ferai s'il le faut. Il va sans dire qu'il tenait Silas de Rontal au courant de toutes ses recherches, et ce n'était pas sans peine qu'il parvenait à calmer les impatiences du banquier. Le hasard devait lui venir en aide. Une première fois, il l'avait servi en faisant tomber entre ses mains le billet chiffré. Une seconde fois, il allait le servir en le mettant à même de le comprendre. On était au dernier jour du mois de mai, vers 4 heures du soir. Sarkany, suivant son habitude, allait à 5 heures quitter la maison du comte Zatmár. Il était d'autant plus désappointé d'être aussi peu avancé qu'au premier jour que le travail dont le comte Sandorff l'avait chargé tirait à sa fin. Cette besogne achevée, il serait évidemment congédié avec remerciements et profits, mais il n'y aurait plus aucune raison pour qu'il continuât à venir dans cette demeure. Or, à ce moment, Ladislas Zatmár et ses 2 amis étaient sortis. Il n'y avait plus à la maison que Boric, alors occupé dans une salle du rez-de-chaussée. Sarkany, ayant toute liberté pour agir, résolut de s'introduire dans la chambre du comte Zatmár, ce qu'il n'avait pu faire jusqu'alors, et de s'y livrer aux plus minutieuses recherches. La porte était fermée à clé. Sarkany, avec son crochet, parvint à l'ouvrir et entra. Entre les 2 fenêtres qui donnaient sur la rue, se trouvait un bureau secrétaire dont l'antique forme eût ravi un amateur de vieux meubles. Le battant rabaissé ne permettait pas d'en voir la disposition intérieure. C'était la première fois que l'occasion s'offrait à Sarkany de visiter ce meuble, et il n'était pas homme à la perdre. Pour en fouiller les divers tiroirs, il n'avait qu'à forcer le battant. C'est ce qui fut fait, le crochet aidant, sans que la serrure conservât trace de l'opération. Au 4e tiroir que visita Sarkany, sous des papiers dont il n'avait que faire, se trouvait une sorte de carte trouée irrégulièrement. Cette carte attira tout de suite son attention. « La grille !» se dit-il. Il ne se trompait pas. Sa première idée fut de s'en emparer. Mais réflexion faite, il se dit que la disparition de cette grille pourrait attirer des soupçons si le comte Zatmár venait à s'en apercevoir. « Bon, se dit-il, de même que j'ai pris la copie du billet, je vais prendre le décalque de la grille, et Torontal et moi, nous pourrons lire la dépêche tout à notre aise. » Cette grille était un simple carré de carton, de 6 centimètres de longueur par côté et divisé en 36 carrés égaux, mesurant chacun 1 centimètre environ. De ces 36 carrés, disposés sur 6 lignes horizontales et verticales, comme ceux d'une table de Pythagore qui aurait été établie sur 6 chiffres, 27 étaient pleins et 9 étaient vides. C'est-à-dire qu'à la place de ces 9 carrés, la carte était découpée et ajourée en 9 endroits. Ce qu'il importait à Sarkany d'avoir, c'était premièrement la dimension exacte de la grille et deuxièmement la disposition des 9 carrés vides. La dimension, il l'apprit au moyen d'un contour au crayon qu'il traça sur une feuille de papier blanc, en ayant bien soin de marquer la place où se trouvait une petite croix faite à l'encre, laquelle semblait indiquer le côté supérieur de la grille. La disposition, il la releva en pointant les carrés à jour qui laissaient voir le papier sur lequel il venait de tracer le contour de la carte. Soit à la première ligne, 3 vides occupant les places 2, 4 et 6. À la deuxième ligne, 1 vide occupant la place 5. À la troisième ligne, 1 vide occupant la place 3. À la quatrième ligne, 2 vides occupant les places 2 et 5. À la cinquième ligne, 1 vide occupant la place 6. À la sixième ligne, 1 vide occupant la place 4. Quelques minutes suffirent à Sarkany pour prendre le décalque de la grille. Au moyen de cette grille, qu'il lui serait facile de reproduire avec un morceau de carton découpé, il ne doutait pas d'arriver à déchiffrer le fac-similé du billet laissé entre les mains de Silas Thorontal. Il remit donc la grille dans le tiroir sous les papiers qui la recouvraient. Il quitta la chambre de Ladislas Zatmar, puis la maison, ayant hâte de retourner à son hôtel. Un quart d'heure après, Ziron le voyait entrer dans leur chambre commune d'un air si triomphant qu'il ne put s'empêcher de s'écrier à pleine voix. « Qu'y a-t-il donc, mon camarade? Prends bien garde. Tu es plus habile à dissimuler tes ennuis que tes joies, et l'on se trahit aussi bien en se laissant aller. » « Trêve d'observation, Ziron, » répondit Sarkany, « et à l'ouvrage, sans perdre un instant. »« Avant souper ? Avant. » Cela dit, Sarkany prit un morceau de carton de mince épaisseur. Il le tailla sur son décalque, de manière à obtenir un rectangle qui avait exactement les dimensions de la grille, sans oublier de tracer la petite croix sur le côté supérieur. Ensuite, prenant une règle, il le divisa en 36 carrés, tous d'égale grandeur. Alors, de ces 36 carrés, 9 furent marqués à la place qu'ils occupaient sur le décalque. Puis, après avoir été découpés avec la pointe d'un canif, ils furent ajourés, de manière à laisser paraître dans l'air vide les mots, lettres ou signes quelconques du billet sur lequel cette grille serait appliquée. Ziron, placé en face de Sarkany, le regardait faire, l'œil grand ouvert, émerillonné de convoitise. Ce travail l'intéressait d'autant plus qu'il avait parfaitement compris le système cryptographique employé dans cette correspondance. « C'est ingénieux, disait-il, extrêmement ingénieux, et cela pourra me servir. Quand je pense que dans chacun de ces carrés vides, il peut peut-être tenir 1 million. Et plus, répondit Sarkany. » Le travail terminé, Sarkany se leva après avoir serré le carton découpé dans son portefeuille. « Demain, à la première heure, je serai chez Thorontal, » dit-il. « Gare à sa caisse. S'il a le billet, moi j'ai la grille. Et cette fois, il faudra bien qu'il se rende. Il se rendra. Alors, on peut souper ? On le peut. Soupons. » Et Ziron, toujours en appétit, fit honneur à l'excellent repas qu'il s'était commandé, selon son habitude. Le lendemain, 1er juin, dès 8 heures du matin, Sarkany se présentait à la maison de banque et Silas Thorontal donnait aussitôt l'ordre de l'introduire dans son cabinet. « Voilà la grille, » se contenta de dire Sarkany en remettant le carton qu'il avait découpé la veille. Le banquier le prit, le tourna, le retourna, en hochant la tête comme s'il n'eût pas partagé la confiance de son associé. « Essayons toujours, » dit Sarkany. « Essayons. » Silas Thorontal prit le fac-similé du billet qui était renfermé dans un des tiroirs de son bureau, et le plaça sur la table. On s'en souvient, ce billet se composait de 18 mots, comprenant 6 lettres chacun, mots parfaitement inintelligibles d'ailleurs. Il était évident, avant tout, que chaque lettre de ces mots devait correspondre aux 6 carrés, pleins ou vides, qui formaient chaque ligne de la grille. Par conséquent, on pouvait établir, de prime abord, que les 6 premiers mots du billet composé de 36 lettres, avait été successivement obtenu au moyen des 36 carrés. En effet, et ce fut facile à constater, la disposition des carrés vides avait été si ingénieusement combinée dans l'agencement de cette grille qu'en lui faisant faire 4 fois un quart de tour, les carrés vides venaient successivement occuper la place des carrés pleins sans jamais se doubler en aucun endroit. On voit tout de suite qu'il doit en être ainsi. Par exemple, à la première application de la grille sur un papier blanc, si l'on inscrit les chiffres de 1 à 9 dans chaque case vide, puis, après un premier quart de tour, les nombres de 10 à 18, puis, après un second quart de tour, de 19 à 27, puis après un troisième quart de tour, de 28 à 36, finalement on trouvera sur le papier les nombres de 1 à 36 occupant les 36 carrés qui forment les divisions de la grille. Sarkany fut donc naturellement amené à opérer d'abord sur les 6 premiers mots du billet, avec 4 applications successives de la grille. Il comptait ensuite recommencer cette opération sur les 6 autres mots, et une troisième fois sur les 6 derniers, soit en tout les 18 mots dont se composait le cryptogramme. Il va sans dire que les raisonnements établis ci-dessus avaient été présentés par Sarkany à Silas Torontal et que celui-ci n'avait pu qu'en apprécier la parfaite justesse. La pratique allait-elle confirmer la théorie? C'était là tout l'intérêt de l'expérience. Tout d'abord, il s'agissait de déchiffrer les 6 premiers mots. Pour y arriver, Sarkany les écrivit sur une feuille blanche en ayant soin d'écarter les lettres et les lignes de manière que chaque lettre correspondît à l'un des carrés de la grille. Puis la grille fut appliquée sur cet ensemble de manière que le côté marqué d'une petite croix se trouva placé en haut. Et alors les 9 cases vides laissèrent apparaître 9 lettres pendant que les 27 autres restaient cachées par les pleins du carton. Sarkany fit alors faire un quart de tour à la grille, de gauche à droite, de façon que le côté supérieur devint cette fois le côté latéral droit. Dans la seconde application, ce furent 9 autres lettres qui apparurent à travers les vides, et dans la troisième application également. Ce qui ne laissait pas d'étonner singulièrement Silas Torontal et Sarkany, c'est que les mots qui se formaient, au fur et à mesure, ne présentaient aucun sens. Ils s'attendaient à les lire couramment, puisqu'ils avaient dû être obtenus par les applications successives de la grille. Et cependant, ces mots n'offraient pas plus de signification que ceux du billet chiffré. Le billet resterait-il donc indéchiffrable? La quatrième application de la grille donna 9 autres lettres et le même résultat nul, la même obscurité. En effet, les 4 mots qui avaient été obtenus par les 4 applications ne signifiaient absolument rien. Sarkany ne put cacher la colère que lui causait un pareil désappointement. Le banquier, lui, se contentait de secouer la tête en disant, non sans quelque ironie, « Après tout, ce n'est peut-être pas cette grille-là que les conspirateurs ont employée pour leur correspondance. » Cette observation fit bondir Sarkany. « Continuons, » s'écria-t-il. « Continuons, » répondit Silas Torontal. Sarkany, après être parvenu à maîtriser le tremblement nerveux qui l'agitait, recommença l'expérience sur les 6 mots formant la seconde colonne du billet. 4 fois, il réappliqua la grille sur ces mots, en lui faisant faire un quart de tour. Il n'obtint qu'un assemblage de lettres absolument dénué de sens. Cette fois, Sarkany jeta la grille sur la table, en jurant comme un matelot. Par un singulier contraste, Silas Torontal avait gardé tout son sang-froid. Il étudiait les mots ainsi obtenus depuis le début de l'expérience et demeurait pensif. « Oh diable, les grilles et ceux qui s'en servent !» s'écria Sarkany en se levant. « Si vous vous rasseyez, » dit Silas Torontal. « Me rasseoir ? Et si vous continuiez ?» Sarkany regarda Silas Torontal. Puis il se rassit, il reprit la grille et il l'appliqua sur les 6 derniers mots du billet, machinalement, n'ayant plus conscience de ce qu'il faisait. Les 4 nouveaux mots que donnèrent ces 4 dernières applications de la grille ne présentait aucune signification quelconque. Sarkany, irrité au-delà de toute mesure, avait pris la feuille blanche sur laquelle étaient tracés ces mots baroques que la grille venait de faire successivement apparaître, et il allait la déchirer. Silas Torontal l'arrêta. « Du calme !» lui dit-il. « Hé !» s'écria Sarkany. « Qu'avons-nous à faire de cet indéchiffrable logogriffe ? Écrivez donc tous ces mots les uns à la suite des autres, » répondit simplement le banquier. « Et pourquoi faire ? Pour voir. » Sarkany obéit, et il obtint une succession de lettres. À peine ces lettres étaient-elles écrites que Silas Torontal arrachait le papier des mains de Sarcani. Il le lisait, il poussait un cri. C'était lui maintenant que le calme avait abandonné. Sarcani en était à se demander si le banquier n'était pas subitement devenu fou. « Mais lisez donc !» s'écria Silas Torontal en tendant le papier à Sarcani. « Lisez donc !»« Lire ? Et ne voyez-vous pas qu'avant de composer ces mots au moyen de la grille, les correspondants du comte Sandorf avaient préalablement écrit à rebours la phrase qu'il forme ?» Sarcani prit le billet, et voilà ce qu'il lut en allant de la dernière lettre à la première. « Tout est prêt. Au premier signal que vous nous enverrez de Trieste, tous se lèveront en masse pour l'indépendance de la Hongrie. » XRZAH. Et ces cinq dernières lettres, s'écria-t-il. Une signature convenue, répondit Silas Torontal. Enfin, nous les tenons. Mais la police ne les tient pas encore. Cela me regarde. Vous agirez dans le plus grand secret? C'est mon affaire, répondit Sarcani. Le gouverneur de Trieste sera seul à connaître les noms des deux honnêtes patriotes qui auront arrêté, à son début, une conspiration contre le royaume d'Autriche. Et en parlant ainsi, par son ton, par son geste, ce misérable ne laissait que trop voir quel sentiment d'ironie lui dictait de telles paroles. « Alors, je n'aurai plus à m'occuper de rien ?» demanda froidement le banquier. « De rien, répondit Sarcani, si ce n'est de toucher votre part de bénéfice dans l'affaire. Quand ? Quand seront tombées trois têtes qui nous vaudront plus d'un million chacune ?» Silas Torontal et Sarcani se séparèrent. S'ils voulaient bénéficier du secret que le hasard leur avait livré en dénonçant les conspirateurs avant que la conspiration n'eût éclaté, ils devaient faire diligence. Cependant Sarcani, comme à l'ordinaire, était retourné dans la maison de Ladislas Zatma. Il y avait repris son travail de comptabilité qui touchait à sa fin. Le comte Sandorf lui dit même, tout en le remerciant du zèle qu'il avait montré, que dans une huitaine de jours, il n'aurait plus besoin de ses services. Dans la pensée de Sarcani, cela signifiait évidemment que vers cette époque, le signal attendu de Trieste serait envoyé dans les principales villes de la Hongrie. Sarcani continua donc à observer avec le plus grand soin, mais sans jamais donner prise aux soupçons, tout ce qui se passait dans la maison du comte Zatmar. Et même il avait paru si intelligent, il semblait tellement acquis aux idées libérales, il avait si peu caché l'invincible répulsion qu'il disait éprouver pour la race allemande. Enfin, il avait si bien joué son jeu, sans en avoir l'air, que le comte Sandorf comptait se l'attacher plus tard, lorsque le soulèvement aurait fait de la Hongrie un pays libre. Il n'était pas jusqu'à Boric qu'il ne fût revenu des préventions que lui avait d'abord inspirées ce jeune homme. Sarcani touchait donc à son but. C'était à la date du 8 juin que le comte Sandorf, d'accord avec ses deux amis, avait décidé qu'il enverrait le signal du soulèvement, et ce jour était arrivé. Mais alors, l'œuvre de délation était accomplie. Ce soir-là, vers 8 heures, la police de Trieste envahit subitement la maison de Ladislas Zatmar. Toute résistance eût été impossible. Aussi le comte Sandorf, le comte Zatmar, le professeur Bathory, Sarcani lui-même, qui ne protesta pas d'ailleurs, et Boric, furent-ils arrêtés sans que personne eût connaissance de leur arrestation.